À l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, les conférences ont eu lieu en Russie, en Autriche et au Mali, et les expositions de livres et séances de films au Nigeria.